Oui. Oui. Pas bien le style bouchon, là. Hein? Comment par l'autre bord? Où ça? C'est bon, j'en reviens tout de suite. C'est encore compliqué, c'est ça. Quand tu joues l'autre, ça coupe son son. Parce que la parole, on ne parle jamais en même temps. Puis j'ai la même chose avec le téléphone. Quand on parle en même temps, le téléphone, il y a les deux sons qui coupent. Le premier émetteur continue, puis le deuxième, il coupe. Pour empêcher les feedbacks émetteur-récepteur. Bon, ça va. Il me parle encore, lui. Hein? Moi, je t'entends. Non. Ça fait pas, on va appeler Jalbert. Ça fait pas, on appelle Jalbert. J'ai comme une oreille qui n'entend pas, moi, Chris. Moi, je pense. Ouais. Ah. Ouais. Quelle affaire? Je t'entends toujours par la même place dans les écouteurs, moi. que tu m'entends? J'étais avec Skype, là. Oui, mais je le sais, mais calique. Pas en tout, pas de maudite miette. Mais là, je suis en train de jammer, là. Tu me déranges.